Je rapperai pour mon gang à tout jamais. On traînait dehors comme des chiens errants. Par tout le temps jusqu'à la fin. J'ai pris goût à cette vie, plus jamais je rentre. Et moi je suis parti assez tôt. Et ma barque a subi le vent froid. L'impression que j'avais toute la vie devant moi. Mais le temps m'a rattrapé dans mille endroits. Mon frère, ça fait quelques temps, je te sens déconnecté. J'ose pas t'en parler, l'impression qu'on se connaît plus. Pardonne-moi, je te l'ai dit bourré. C'est juste que l'alcool, c'est le chemin le plus court vers l'honnêteté. Je veux pas d'oseille illimitée. Y'a pas de bonheur sans manquer, sans limite. En cherchant la tranquillité, j'ai trouvé que du désordre à sens unique. On a donné tout le peu qu'on avait, c'est bien fait, la vie nous l'a rendu vite. On s'est pas jeté dans le trou par amour du vide. On s'est pas jeté dans le trou par amour du vide. Je sais pas d'où je viens, mais je sais où je vais. Parfois c'est tout l'inverse, comme le M et le W. Quand on est tous dans le van, la tête y cogne sur la vitre. Je mène une vie en désordre et ça va pas changer. Je veux pas d'une vie bien rangée. Un jour peut-être je vais changer. Péter sous rhum arrangé. Je regarde le ciel teinte orangé. Tout pour le gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Ah, tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Y'a tellement de choses dont je vais plus me rappeler. Comme toutes les bagarres que j'ai démarrées. Des fois faut faire profil bas. Mais jamais sur moi je te laisserai marcher. Les yeux qui se ferment comme les portes. Y'en a certains qui s'ouvrent sans clé. Enfant du peuple, je suis certain de vous ressembler. Quand sur scène j'entends toute la foule chanter. J'ai de la colère en moi, faut que je la canalise. Mais pour que je la canalise, faudrait que je l'analyse. Tourmenté dans ma chambre, odeur de cannabis. La vie me serre fort la main, elle me fait pas la vis. J'suis passé par des étapes, j'en battais trop les couilles. Parce qu'on veut plus descendre, qu'on monte vite dans les tours. Parce qu'on est pas comme eux, parce qu'on est comme on est. Parce qu'on est comme on est. Ouais. Tout pour le gang à jamais, tout pour le gang à jamais. Tant qu'ils sont là, ça va, j'peux me reposer sur eux. J'suis venu sur terre, j'étais perdu dès le premier jour. Je sais pas d'où je viens, mais je sais où je vais. Parfois c'est tout l'inverse, comme le M et le W. Quand on est tous dans le van, la tête y cogne sur la vitre. Je mène une vie en désordre et ça va pas changer. Je veux pas d'une vie bien rangée. Un jour peut-être je vais changer. Péter sous rhum arrangé. Je regarde le ciel teinte orangé. Tout pour le gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais. Tout pour mon gang à jamais.